s'est laissé tomber. Oh, oh, oh, oh. T'étais mon allié, mon bouclier, tout le monde nous enviait. J'étais ton âme sœur, nos ennemis dans le viseur, même s'ils étaient plusieurs. Mais tellement on s'aimait, on s'est brisé, on s'est détesté. Tellement de rancœur, et toi t'as pris mon cœur, t'es parti voir ailleurs. Pourtant au début y'avait rien de compliqué. C'était toi et moi contre les autres. Pourtant au début y'avait rien de compliqué. S'aimer encore mais c'était plus pareil. Tu t'es engagé, ça m'a fait du mal mais je t'ai rendu là pareil. Et tu me manquais, je te manquais, on se manquait. Tellement de fierté, on s'est voilé la face, ça n'a rien arrangé. Pourtant au début y'avait rien de compliqué. On finira bien par arriver. Tellement monter les escaliers, on finira bien par arriver. Mais tu ne peux plus me supporter, t'es parti sans même te retourner. Mais tu ne peux plus me supporter, t'es parti sans même te retourner. Tu sais que je t'aime depuis longtemps, longtemps, longtemps. Reste avec moi, je ne te ferai plus perdre ton temps, ton temps, ton